Le génie génétique va-t-il révolutionner le futur de l'humanité? Nous avons vécu il n'y a pas si longtemps la grande révolution de l'informatique. Dans les années 70-80, qui aurait pu croire que les ordinateurs allaient prendre le contrôle d'absolument tous les aspects de la société? Du shopping aux rencontres sociales en passant par l'économie, que des milliards de personnes seraient connectées par une sorte de toile et que chacun posséderait un appareil dans ses poches aussi performant que le plus puissant ordinateur de l'époque. Absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est arrivé sans même qu'on y pense vraiment. Nous sommes dans le même cas de figure aujourd'hui avec le génie génétique. Cette discipline va changer le monde dans lequel on vit, pour toujours. Les humains modifient le vivant depuis des milliers d'années. À travers l'élevage sélectif, nous avons renforcé des caractéristiques spécifiques chez les plantes et les animaux, sans vraiment bien comprendre tous les mécanismes en jeu. Du moins, jusqu'à ce que l'on découvre le code de la vie, l'ADN. Une molécule complexe qui guide la croissance, le développement, la fonction et la reproduction de tout ce qui est vivant. Jusque très récemment, la modification génétique était extrêmement coûteuse, compliquée et prenait beaucoup de temps. Mais cela a changé en 2015 avec une technologie révolutionnaire, CRISPR. Alors j'entre pas dans les détails scientifiques du truc, je suis pas spécialiste du tout, mais pour vous faire une idée de l'ampleur de la révolution, aujourd'hui, le coût de la modification génétique a baissé de 99%, et le temps pour conduire des expérimentations est passé d'une année à quelques semaines. Cette technologie a littéralement le potentiel de changer l'humanité en profondeur. Tout d'abord, essayons d'être optimistes un instant avant de tirer les sonnettes d'alarme. En 2015, des scientifiques ont utilisé CRISPR pour éliminer le VIH de cellules vivantes en laboratoire, prouvant que cela était possible. En 2016, ils ont récidivé sur des rats qui avaient le virus sur 99% de leurs cellules. Ils ont réussi à supprimer plus de 50%. Dans quelques décennies, une cure contre le sida est donc vraiment envisageable. CRISPR pourrait également vaincre l'un de nos pires ennemis, le cancer, en donnant à notre système immunitaire un moyen efficace de localiser et détruire les cellules cancéreuses. Dans un futur proche, soigner le cancer voudra donc dire prendre simplement quelques injections. Ensuite, viennent les maladies génétiques. Il y en a des milliers. Mais en 10 à 20 ans, nous pourrions potentiellement guérir ces maladies définitivement. Alors bien sûr, guérir un individu c'est une chose, cela ne change pas l'espèce dans son ensemble. Et bien pas si l'on modifie directement les cellules reproductives, ce qui apportera des changements irréversibles dans la piscine génétique de l'humanité. Nos descendants seront immunisés contre ces maladies dès la naissance. Il existe des gènes qui affectent directement le vieillissement. Une combinaison de modifications génétiques plus d'autres thérapies pourrait ralentir, stopper, voire inverser le vieillissement. On sait que dans la nature, il y a des animaux immunisés au vieillissement comme le homard. Pourquoi ne pas leur emprunter quelques gènes? L'immortalité est vraisemblablement un mythe, oui. Mais au lieu de décéder à l'âge de 90 ans dans un hôpital, on passera peut-être quelques centaines d'années supplémentaires avec nos proches. Et bien sûr, adieu aux maladies liées à l'âge comme Parkinson et Alzheimer. Bien que les scientifiques soient divisés sur ce sujet, il est tout à fait envisageable que les personnes de moins de 40 ans vivant en 2016 soient les premières à bénéficier de traitements efficaces contre le vieillissement. En 2015 et 2016, des scientifiques chinois ont conduit des expériences sur des embryons humains avec un succès à demi-teinte. Ils ont montré l'énorme challenge qui accompagne la modification génétique sur l'humain, mais également que la communauté scientifique travaille ardemment pour résoudre les problèmes. C'est comparable aux ordinateurs des années 70. Ils n'étaient pas terribles, mais il y en a eu des meilleurs. Peu importe votre position sur les modifications génétiques, vous en serez affecté. Des humains modifiés pourraient altérer le génome de l'espèce tout entière, car leurs modifications seront transmises à leurs enfants et se répandront à travers les générations, modifiant petit à petit l'ensemble de l'humanité. Les débuts de ces modifications seront très simples, probablement juste pour éliminer les maladies héréditaires présentes dans l'arbre généalogique de la famille. Puis, à mesure que la technologie progressera, de plus en plus de personnes pourraient affirmer que de ne pas utiliser les modifications génétiques va contre l'éthique, car cela condamne l'enfant à souffrir et mourir d'une maladie qui aurait pu être empêchée dès le stade embryonnaire. Et dès que le premier bébé modifié génétiquement naîtra, une porte va s'ouvrir qui ne pourra plus être refermée. Plus la technologie sera acceptée par la population, plus la tentation sera grande. Si vous pouvez immuniser votre enfant contre Alzheimer, pourquoi ne pas lui donner un système immunitaire renforcé? Et pourquoi pas une vision parfaite, ou une intelligence exceptionnelle? D'importantes modifications apparaîtront résultant de millions de décisions personnelles cumulées. Les humains modifiés deviendront peut-être le standard. Avec la possibilité de supprimer les maladies, adapter nos corps pour l'exploration spatiale voire l'adaptabilité sur d'autres planètes, nous pourrons augmenter nos chances de perdurer dans cet univers hostile. Beaucoup de problèmes seront résolus grâce à cette technologie. Que l'on soit pour ou contre, il faut en reconnaître les promesses. Il y a bien entendu d'énormes challenges qui nous attendent. Certains technologiques, d'autres éthiques. J'imagine qu'en regardant cette vidéo, vous ressentez un inconfort et une peur de voir un monde où les humains imparfaits sont rejetés. Vous ne voulez pas vivre dans une société où des traits génétiques particuliers sont modifiés en fonction de ce qui est jugé bon ou mauvais. Le truc, c'est que l'on vit déjà dans ce monde. Des tests pour des dizaines de maladies génétiques sont devenus la norme pour les femmes enceintes dans la plupart des pays. Bien souvent, la moindre suspicion d'un problème génétique entraîne la fin d'une grossesse. Prenons par exemple la trisomie 21, l'une des maladies génétiques les plus courantes. En Europe, près de 90% des femmes mettent fin à leur grossesse lorsque cette maladie est détectée. Cette décision est bien entendu extrêmement personnelle, mais il est important de prendre conscience que l'on présélectionne déjà des humains basés sur leurs conditions médicales. On ne laisse plus mère nature décider. Les progrès scientifiques vont engendrer de plus en plus de décisions au stade embryonnaire. C'est pourquoi il est important d'être prudent face aux différentes sélections génétiques que nous pourrons faire. Aussi extraordinaire que CRISPR puisse être, nous n'en sommes qu'aux prémices, et ignorons encore toutes les interactions complexes de nos gènes afin d'éviter des conséquences imprévues. La vision semble positive, mais il existe naturellement une vision plus sombre. Imaginez ce qu'une nation comme la Corée du Nord pourrait faire si leurs scientifiques développaient le génie génétique. Qu'est-ce qui pourrait stopper un régime totalitaire possédant une armée de super soldats génétiquement modifiés? Bien que ce soit possible en théorie, des scénarios comme ceux-ci sont bien sûr très hypothétiques. Néanmoins, il pourrait être une raison de bannir complètement la recherche, et ce serait certainement une erreur car il ne faut pas oublier les promesses extraordinaires. Il n'y a qu'en participant activement au débat que nous pourrons assurer un développement scientifique guidé par la prudence, la raison, la transparence et une vision sur le long terme. Vous ne vous sentez pas dans votre assiette à propos de tout ça, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous, m'a compris, ressentons une crainte au plus profond de nous-mêmes. Des dizaines de scénarios catastrophiques nous viennent à l'esprit. L'idée de jouer à Dieu, modifier le vivant, on le sent pas tellement. Cette technologie est bien entendu flippante, mais nous avons beaucoup à gagner. Peut-être que la modification génétique est une étape logique dans l'évolution d'une espèce intelligente, et que d'autres races extraterrestres sont passées par là pour survivre. Nous pourrions supprimer les maladies, étendre notre espérance de vie par centaines d'années, et voyager à travers les étoiles. Peu importe votre opinion sur ce sujet, le futur se rapproche dans tous les cas. Ce qui peut paraître de la science-fiction est sur le point de devenir notre nouvelle réalité, une réalité pleine d'opportunités et de challenges. Article, histoire courte de science-fiction, podcast, si vous en voulez plus, je vous invite à visiter le blog The Flares, et pour ceux qui souhaitent donner leurs hypothèses sur le futur, rejoignez le collectif. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. Nous sommes vos fusées éclairantes, nous sommes The Flares. Merci et à bientôt.